Ce feu tricolore temporaire permet d'alterner la circulation sur une route en travaux. Il vient de passer au jaune clignotant. Cela veut dire que c'est à mon tour de m'engager, mais je dois rester prudent. En effet, des véhicules peuvent encore venir d'en face, parce qu'ils ont franchi le feu un peu tardivement, parce que la distance à parcourir pour arriver ici est assez longue, parce que les travaux les ont ralentis. Réponse A.